Fin de semaine chargée dans le monde du sport, d'abord avec la 62e édition de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean qui a eu lieu en fin de semaine. Et c'est l'Américain Alexandre Maier qui a remporté l'épreuve, suivi de l'Italien Eduardo Stoinico qui a pris le deuxième rang. Et le troisième rang est allé à un Russe, soit Olga Stoibob. Faites noter que l'Américain Maier a gagné avec un temps de 6h27 minutes et 59 secondes. La première Québécoise ou Québécois, c'était Jeanne de Dusablon qui a pris le septième rang avec un chrono de 6h46 minutes et 20 secondes. Et pas besoin de vous dire qu'elle était très, très, très contente de sa performance. On va écouter Jeanne Dusablon. C'est vraiment au-dessus de mes attentes. Là. Après le 10, c'est sûr que j'étais fatiguée un peu. C'était mon premier 32 km. Puis j'avais juste pour objectif de le finir. Fait que c'était vraiment là, au-dessus de mes attentes. Est-ce que c'était plus dur à ça? Celui qui a remporté l'épreuve de 2014 et 2015, le Sherbrookeois Xavier Dernay, a terminé au 10e rang. Donc, Xavier Dernay a eu des problèmes en début de traversée. Il a dû se contenter, comme je l'ai dit, de la 10e place avec un temps de 6h51 minutes et 2 secondes. Et en entrevue, évidemment, il était déçu quand même de son rang. On va l'écouter là-dessus. Donc j'avais beaucoup de difficultés à respirer, puis en plus ça coinçait mon épaule gauche, donc à chaque fois que je poussais avec mon bras sous l'eau, avec mon bras gauche, c'était une douleur incroyable, puis j'étais même pas capable de tirer de l'eau, donc j'ai fait à peu près la moitié de la course sur seulement un bras. Une qui était bien contente de la fin de semaine, c'est la présidente Ginette Fortin. Ginette Fortin était très heureuse de voir qu'il y avait quand même beaucoup de monde et le beau temps également qui a contribué à ce phénomène. Absolument. Écoute, on a eu une belle semaine, puis aujourd'hui, on a une super course avec une belle température. On avait des belles conditions dans l'eau. Fait que, écoute, je peux pas faire autrement que d'être bien contente, bien satisfaite de ma semaine. Ben, merci beaucoup. Merci, Daniel. Ginette Fortin n'a pas voulu confirmer à Danadosport.com qu'elle sera de retour à la présidence, laissant planer peut-être une rumeur qu'elle pourrait se retirer. Maintenant, il y avait un autre événement d'envergure, c'était le tournoi à bout de souffle qui était présenté pour la première fois au centre récréatif Marianne Saint-Gelais de Saint-Félicien. Et c'est une victoire en prolongation de la formation de David Dernay, Francis Véropol, Yannick Jean et Dimitri Zoukinov. Ils ont remporté une victoire de 6-5 contre la formation Éministerie SMC. Le match a eu lieu, s'est terminé en fusillade. L'organisateur Simon Gaudreau était quand même heureux de l'événement, malgré qu'il y a eu quand même une baisse de sonnage. C'était la première fois que c'était présenté à Saint-Félicien. Maintenant, parlons de Francis Véropol. Il aurait signé une entente avec la formation de l'Italie. Le joueur natif de Mastuillage s'est déjà aligné avec les Marquis de Jonquière. Il y avait également en fin de semaine Saint-Félicien qui était l'hôte de la série Sportsman et Dominique Jean a triomphé, suivi de Marc Bégin qui a pris le deuxième rang et Louis-Philippe Labrec a terminé au troisième rang. À noter qu'il y avait quand même un record de participation, on dit que 24 pilotes étaient en action pour la circonstance. Maintenant, il y avait une autre compétition dans la ville qui se passait à Saint-Félicien, c'était la course du 1000. Et signe encore une fois que ça va très très bien pour les coureurs ou encore la course à pied, ben, il y avait 200 coureurs qui se sont présentés dans le centre-ville de Saint-Félicien. Et le club du 1000 a quand même très très bien fait. Au 10 km masculin, notons la victoire de Nicolas Desbiens du club Jaco. Par contre, à noter au niveau féminin qu'Hélène Leclerc a triomphé avec un temps de 47 minutes et 41 secondes. Notons la troisième place également de Nancy Larouche du club du 1000. Au 5 km chez les hommes, Dominique Tremblay du club du 1000 a triomphé avec un temps de 17 minutes et 48 secondes. À noter chez les femmes, au 5 km, Sylvie Lavoie de Saint-Augustin a été la meilleure avec un chrono de 20 minutes et 13 secondes. Et Hélène Dufour a terminé au troisième rang avec un temps de 21 minutes et 24 secondes. Au 3 km chez les hommes, Gabriel Lamontagne du club du 1000 a bien fait avec un temps de 10 minutes 27. Michael Simard du club du 1000 a terminé au deuxième rang avec un chrono de 10 minutes 28 secondes. Et la troisième place est allée à Jesse James Cleary de Mastuillage avec un chrono de 11 minutes 24 secondes. Au niveau féminin maintenant, notons au 3 km la deuxième position de Léa Charbonneau de Saint-Félicien avec un chrono de 12 minutes 43 secondes. Et Léane Perron de Saint-Félicien a terminé avec un chrono de 13 minutes et 52 secondes. Et au niveau féminin, au 3 km, niveau féminin, Marianne Coulombe de Saint-Félicien a été la meilleure avec un temps de 3 minutes 50 secondes. Sarah Maud de Lefebvre de Saint-Prime a terminé deuxième avec un chrono de 4 minutes 6 secondes. Et Sakia Duchesne de Dolbeau-Missassigny a terminé en troisième position avec un temps de 4 minutes et 10 secondes. Et je termine avec du golf. C'était le fildé régional en fin de semaine au club de golf de Port-Alfred. Il y avait deux golfeurs du lac qui ont bien fait d'abord en catégorie 2B. Ronald Lachance a terminé au troisième rang avec un chrono de 84. Et en classe B, Roch Larouche a terminé avec un chrono de 89. Le sport avec les régionales, à donradiosport.com. On s'en occupe.